En sortant du cabinet des lectures, il aperçut du monde devant la boutique d'un marchand de tableaux. On regardait un portrait de femme avec cette ligne écrite au bas en lettres noires. Mademoiselle Rose Annette Bron, appartenant à M. Frédéric Moreau de Nogent. C'était bien elle, ou à peu près. Vue de face, les seins découverts, les cheveux dénoués, et tenant dans ses mains une bourse de velours rouge, tandis que par derrière, un paon avançait son bec sur son épaule en couvrant la muraille de ses grandes plumes en éventail. Pellerin avait fait cette exhibition pour contraindre Frédéric au paiement, persuadé qu'il était célèbre et que tout Paris, s'animant en sa faveur, allait s'occuper de cette misère. Était-ce une conjuration? Le peintre et le journaliste avaient-ils monté leur coup ensemble? Son duel n'avait rien empêché. Il devenait ridicule, tout le monde se moquait de lui. 3 jours après, à la fin de juin, les actions du Nord ayant fait 1500 francs de hausse, comme il en avait acheté 2000 l'autre mois, il se trouva gagné 30 000 francs. Cette caresse de la fortune lui redonna confiance. Il se dit qu'il n'avait besoin de personne, que tous ses embarras venaient de sa timidité, de ses hésitations. Il aurait dû commencer avec la maréchale brutalement, refuser Hussonnet dès le premier jour, ne pas se compromettre avec Pellerin. Et, pour montrer que rien ne le gênait, il se rendit chez Madame d'Ambreuse à une de ses soirées ordinaires.